Un, deux, le son, c'est bon. Alors, bienvenue aux petits restes qui sont ici ce matin. Je pense qu'il y a un groupe aussi qui est derrière. Donc, les deux parties du bâtiment sont isolées là, pour nous permettre d'avoir des gens dans deux salles. Et bienvenue aussi aux gens qui sont avec nous à la maison. Ben, des gros changements s'en viennent avec ce que le gouvernement nous a annoncé cette semaine. Dès la semaine prochaine, dimanche prochain, on devrait pouvoir être 90 ici, même si le gouvernement permet jusqu'à 100. Ben, à cause de la grandeur de nos locaux, il faut respecter le 2 mètres, donc c'est à peu près 90 personnes ici. Et donc, inscrivez-vous s'il y a des gens qui, si on dépasse le 90, on peut avoir quand même 25 personnes dans la salle en arrière ici. Ce n'est pas encore l'étape ultime où on va pouvoir avoir des enfants avec nous, avoir toute l'assemblée, mais c'est quand même un bon pas et on remercie le Seigneur pour ça. Donc, on anticipe ce temps-là la semaine prochaine, là où hey, on va pouvoir être un plus grand nombre et voir des personnes que ça fait longtemps qu'on n'a pas vues. Les réunions recommencent ben, le mercredi. Pour un petit bout, en tout cas pour mars, on va avoir des réunions uniquement le mercredi soir. Donc là, il ne faut pas dépasser 25. Donc, il faut s'assurer qu'on rentre dans ces limites, mais normalement, on ne le dépasse pas, là. Puis au mois d'avril, on vise à recommencer aussi les réunions l'après-midi. On y va étape par étape pour bien gérer tout cela. On rend grâce au Seigneur pour ses développements. Alors, ce matin, je vous invite à tourner. Je vais commencer par la lecture du texte. Il est très court. Puis, on devrait passer deux dimanches, aujourd'hui, la semaine prochaine aussi, sur ce texte court, mais tellement riche. Romains 8, je vais lire à partir du verset 12, en fait, 12 à 14. Romains 8, versets 12 à 14. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ce texte-là est très riche et très puissant. Peut-être pour donner un peu un genre de témoignage personnel, je dirais que les dernières années, j'ai voulu, dans ma vie personnelle, puis les occasions que j'ai eues de pouvoir prêcher ici à l'Église, donc moi-même grandir, puis amener l'Église à grandir pour mieux comprendre toutes les provisions qu'on a dans le sacrifice de Jésus, le pardon qu'on a, la réconciliation avec Dieu. Dieu nous est propice. Vous m'avez souvent entendu parler de ces choses-là et c'est extraordinaire. On est des pardonnés. Dieu nous aime. On est ses enfants. Il nous a adoptés. Et c'est précieux. Sauf que nous ne sommes pas seulement des coupables pardonnés. Dieu veut aussi nous transformer. Il veut qu'on porte du fruit, qu'on le serve efficacement. Donc, que ça change notre conduite, qu'on aime, qu'on serve les autres aussi autour de nous. Et donc, non seulement je veux bien saisir tout ce que Jésus a fait, puis mon identité maintenant, mais je veux aussi saisir toutes les provisions pour pouvoir grandir, devenir mature, être obéissant, porter du fruit. Et dans cette quête, cette recherche, je lis régulièrement le Nouveau Testament, puis à chaque fois, je m'arrête sur ce verset-là. Je trouve qu'il y a là une prescription qu'on néglige, puis on n'entend pas parler beaucoup. Et pourtant, c'est vraiment quelque chose qui nous est indiqué là pour grandir, justement porter du fruit, faire mourir le péché, c'est l'idée ici. Il dit: si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alors, c'est de ça que j'aimerais parler avec vous pour deux dimanches, c'est de faire mourir le péché. Ce restant de péché en nous, Dieu nous appelle à le faire mourir, rien de moins. Et ça me frappe, j'ai pris le temps de méditer, d'étudier le texte, de lire ce que d'autres ont écrit. Je vous ai déjà parlé de John Owen qui a écrit un livre, un classique, c'est 80 pages. On a une belle traduction en français qui vient d'être, de sortir, là, qui s'appelle « La mortification du péché ». Mortification, ce n'est pas un mot qu'on utilise et qu'on connaît beaucoup, puis en plus, c'était mal utilisé par l'Église catholique. Mortifier le péché pour eux, c'est se flageller, c'est se donner des douleurs pour payer pour notre péché. Ce n'est pas le sens que Owen avait. Il avait le sens vraiment de faire mourir, mortifier dans le sens de tuer le péché, le reste de péché qui est en nous. Donc, on entend peu parler de ça. Quand est-ce la dernière fois? Bien, en fait, on n'en entend pas beaucoup parler, mais on vient d'avoir un frère qui nous a parlé de Colossiens, chapitre 3, verset 5, puis il nous dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, faites mourir les membres, le péché qui continue à se manifester dans vos membres. » Donc, ça a été mentionné. Mais je pense qu'on a besoin d'y porter une grande attention sur ce que ça signifie. Alors, ce matin, on va plus parler de l'importance de ce précepte-là qui est ici. Puis la semaine prochaine, Dieu voulant, on va pouvoir regarder un peu plus des aspects pratiques. Mais oui, mais comment on fait mourir le péché si c'est si important, comme le texte le dit ici, comment on peut y arriver? Donc, première chose que je veux faire ressortir dans le texte ici, c'est que c'est un appel urgent et radical. Dieu nous dit, si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et c'est un commandement, le texte parallèle que je citais, Colossiens 3, 5, faites mourir. Alors c'est un appel urgent, Dieu vous appelle à le faire mourir ce péché-là. On ne parle pas du péché de la société. Ah oui, on est appelé absolument à être la lumière du monde, à avoir une influence dans le monde, puis à influencer justement pour que les péchés, notre société qui est tout croche, de pouvoir amener quelques changements. Mais ce n'est pas de ça que ça parle ici. Et dans le fond, on n'arrivera pas à rien faire de positif dans la société contre le péché si le péché dans notre propre vie, on n'est pas en train de le tuer, de régler cette question-là. On ne sera pas efficace. Et on ne parle pas ici de faire mourir non plus le péché des autres dans l'Église. Ah oui, on est appelé à s'encourager, s'exhorter, se reprendre, même aller jusqu'à la discipline, absolument. Mais le texte ici parle « mon péché ». Fais mourir le péché qui est encore en toi. La Bible nous dit qu'on a à lutter vraiment, même encore comme croyants, avec le péché qui nous, Hébreux 12 nous dit quoi? Qui nous enveloppe si, quoi? Facilement. Le péché nous enveloppe si facilement. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à compter le nombre de péchés décrits dans la Bible. Je ne sais pas comment il a fait, là, parce que c'est tout un travail. Il en a compté 667. Ça aurait été mieux 666, me semble, mais 667. Je trouve ça intéressant. Le péché nous enveloppe si facilement. Si on est honnête là, dans notre expérience quotidienne, on le sait qu'il y a encore ces sollicitations, ces désirs qui viennent de l'intérieur, puis qui nous amènent, si on n'arrête pas cela, à pécher extérieurement, dans notre corps. Il y a un intrus en nous. Une taupe. Vous écoutez des films, hein? On appelle ça une taupe. Exemple, à la Maison-Blanche, il y a quelqu'un qui est officiellement au pouvoir, le président. Mais là, tu écoutes dans le film, puis il y a quelqu'un qui s'est infiltré, un ennemi. Il n'est pas au pouvoir, mais il va tout faire pour faire renverser les choses, pour amener des problèmes, pour amener le trouble, etc. Une taupe, un agent infiltré. Bien, c'est la même chose chez le croyant. Il y a un agent infiltré en nous, un restant de péché. la chair qui nous sollicite encore. Et vous allez le goûter. John MacArthur dit ceci, écoutez bien. Chaque chrétien qui est honnête confessera que de devenir croyant n'efface pas la tendance à pécher. Même le croyant tire encore du plaisir du péché. Il lutte toujours avec des vieilles habitudes pécheresses. Certaines de ces habitudes sont si profondément enracinées en lui qu'il les combat encore après des années de guerre spirituelle contre elles. Il tombe dans des péchés effroyables et honteux. La vérité est qu'il pêche quotidiennement. Ses pensées ne sont pas ce qu'elles devraient être. Son temps est souvent gaspillé dans des activités frivoles et mondaines. Et il conclut en disant régulièrement, son cœur se refroidit face aux choses de Dieu. Ah, il dit, nous ne sommes pas redevables à la chair, au verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair. Ce n'est pas la chair qui est au pouvoir. Si on est un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu, on agit selon l'Esprit de Dieu, on vit selon l'Esprit de Dieu, on est influencé, il habite en nous. Le texte, Romains 8, c'est le chapitre de l'Esprit. Mais il y a une taupe. Et il y a encore ces sollicitations, ces désirs qui viennent de la chair. Et la Bible nous dit, faites mourir le péché. Jerry Bridges, je vous en parle souvent, a écrit un livre qui s'appelle « Les péchés respectables ». C'est par exprès là, qu'il donne ce titre-là, c'est un peu sarcastique. Puis il y a comme sous-titre « Les péchés qu'on doit confronter, mais que nous tolérons ». Mais là, il ne parle pas encore dans l'Église. Là. On parle de nous, dans nos vies. Et il énumère différentes choses. Puis en fait, là, son livre, malheureusement, il n'est pas traduit en français, mais presque chaque chapitre, il fait le tour de ces péchés-là, avec lesquels, qui nous sollicitent encore, puis que souvent, on tombe, puis on n'a pas la victoire, parce qu'on ne les prend pas au sérieux, puis on ne les tue pas. Il parle de l'incrédulité. L'anxiété, je vous les nomme, c'est les chapitres de son livre. La frustration. On est frustré que les choses ne se passent pas comme on voudrait. Et là, oh, qu'est-ce que ça va amener? Le mécontentement, le manque de reconnaissance, ces péchés qu'on tolère, ces péchés mignons, comme si ça existait. L'orgueil, l'égoïsme, manque de maîtrise de soi, impatience, irritabilité, colère, dureté envers les autres. L'envie, jalousie, péché de la langue, mondanité. Si vous lisez l'anglais, ça vaut la peine. Lisez ce livre-là. Puis il dit, vous allez être sollicité. Votre expérience au quotidien, il va vous venir ses désirs, ses pensées. Il ne dit pas juste affaiblissez le péché. Ou permettez-vous un petit peu de péché, mais mettez une limite. Là. Dire, bon, OK, garde, je vais me permettre au travail de flirter un peu avec tel employé, on s'agace un petit peu, tout ça, mais jamais j'irai jusqu'à l'adultère. Là. Il ne dit pas, mettez certaines limites, affaiblissez le péché, limitez certaines choses, blessez-le, couvrez-le, gardez-le à l'intérieur. C'est pas ça qu'il dit. Faites mourir le péché. On sous-estime la gravité du péché. En fait, le texte, ce qu'il dit, c'est pas parce qu'il faut. Je veux être fidèle au texte. Il dit « Faites mourir les actions du corps. Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Les actions du corps. De quoi il est question? Actions du corps. C'est pas que le péché, c'est juste quelque chose d'extérieurement. Mais il faut comprendre, puis le temps nous manquerait, mais de regarder tout le contexte de l'Épître aux Romains, puis regarder la théologie de Paul. Puis je vais vous faire une espèce de schéma comment fonctionne le péché, OK? Il y a les sollicitations de la chair à la base. C'est du cœur. C'est les restants de la vieille nature charnelle qui est en nous, la chair, là. Au fond de nous, il y a encore cet intrus qui... La chair ne prend pas plaisir aux choses de Dieu. Elle ne se soumet pas aux choses de Dieu. Elle ne le peut même pas. C'est ce qui est mentionné dans les textes précédents. En fait, pensez pas que quelqu'un qui vit selon la chair, là, il est toujours dans les bars à chaque soir, il est tout le temps pacté. C'est quelqu'un qui prend de la drogue, il fait l'adultère, il tue, il est violent, il est un délinquant. On voit tous les pires péchés, là. Foncièrement, vous savez, c'est quoi quelqu'un qui marche selon la chair? Il suit juste ses propres instincts. Il peut même être moral, avoir une bonne personne extérieurement. Mais foncièrement, c'est inimitié contre Dieu. C'est-à-dire que Dieu, là, ouais, je comprends ce que tu dis, je suis prêt à prendre quelques éléments, mais je veux continuer à faire ma vie à ma façon. Je veux être au contrôle, c'est moi qui mène. La chair n'en veut pas de Dieu, ne veut pas marcher par la foi, veut les choses à sa façon. Donc, le processus du péché commence par une espèce de sollicitation de valeur, puis ça l'amène des désirs, des pensées. Donc, plutôt que me confier en Dieu qui dit qu'il va prendre soin de moi, ma chair dit, moi, je vais être riche, moi, je vais être puissant, moi, je vais être au contrôle des choses. OK? Donc, quand tu maintiens ces désirs-là, qu'est-ce qui arrive? Ça produit des actions. Les actions du cœur. Alors, derrière les actions qu'on fait, quand on pêche sérieusement, c'est pas juste tout à coup, bang, ton corps décide de pêcher. Tu as eu un mécanisme à l'intérieur où il y a eu une sollicitation, un désir, une convoitise. Tu as répondu oui à ça, ça l'amène une action, tu vas parler, tu vas agir, tu vas faire quelque chose qui amène le péché. Et ça produit la mort. Chair, désir convoitise intérieure, acte, et ça l'amène la mort. Ben, il dit, faites mourir le péché ou le péché va vous faire mourir. C'est John Owen qui a dit ça. Tuer le péché ou le péché va vous tuer. Ce processus-là, écoutez bien, s'il n'est pas arrêté en quelque part, va conduire de façon, on ne peut pas l'empêcher, à l'enfer. La chair qui produit des désirs, si vous vivez selon la chair, quoi? Vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez un ou l'autre. Tu vis selon la chair ou tu es dans un combat où tu dis non et tu résistes à cela, puis tu fais mourir ce péché, un ou l'autre. Mais nous autres, on voudrait, puis c'est comme ça des fois qu'on a été comme enseigné, tu marches toute ta vie dans la chair, tu as les désirs, tu penses comme selon la chair, tu agis selon la chair, mais je vais aller au ciel. Non, ça ne marche pas comme ça. Faire mourir le péché. Je pense qu'on sous-estime la gravité du péché. Je lisais dernièrement encore, vous savez, ça a devenu populaire à un moment donné, je ne sais pas si c'est encore permis, parce que je pense qu'ils ont légiféré, là. Mais les gens, comme petit animal domestique mignon, ils ont des boas, puis ils ont des serpents, puis... Mais on lit régulièrement que des gens ont été tués par leur petit animal mignon. Alors, ils nourrissent, ils en prennent soin, ils s'en entourent, ils ne voient pas le danger. Puis, à un moment donné, le bébé devient gros et il l'entoure ou il se fait mordre et les gens meurent de cet animal-là. Bien, c'est la même chose avec le péché. Le péché, s'il suit son train puis que ce n'est pas arrêté dans le processus, va conduire, on ne peut pas s'en empêcher, va conduire jusqu'à l'enfer, jusqu'à la mort éternelle. Maintenant, on voit qu'il y a une solution, mais c'est par l'Esprit. Et là, je ne suis pas en train de dire que tout repose sur nous. Si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps. Là, on décrit c'est quoi un chrétien? Il y a l'Esprit de Dieu en lui. Il y a l'Esprit de Dieu qui fait des transformations, qui lui donne des nouvelles pensées, des nouveaux désirs, qui porte le fruit, les actions. Il intervient à chaque étape. Il a donné un coup fatal. On n'est plus redevable à la chair. Donc, la chair a reçu un coup mortel par l'œuvre de Jésus. Mais elle se débat encore. Elle nous sollicite encore. Elle met des désirs. Mais l'Esprit et Dieu, la Trinité au complet, intervient à chaque étape. Mais si ce processus-là, on n'intervient pas dedans, il conduit de façon inévitable jusqu'à l'enfer. Mais ce péché est toxique, grave. Le péché qu'on se permet, avec lequel on joue, qu'on utilise pour faire avancer notre cause, il est toxique, destructeur, envers soi, envers les autres, et déplaît à Dieu. Je vous pose une question, OK? Est-ce que ça se peut que des fois Dieu regarde un chrétien puis que ça lui déplaît? Il n'est pas content de ce qu'il voit. Ben oui, je réponds, oui. La Bible répond, Apocalypse, chacune des églises. Il dit, bon, je sais, que tu as persévéré, que tu as découvert ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Mais voici ce que j'ai contre toi. Dieu dit, j'ai quelque chose contre toi. Il y a de quoi là? C'est pas acceptable. On attriste l'Esprit de Dieu. Le péché est grave. Il ne faut pas niaiser que le péché. Il ne faut pas jouer avec le péché. Il ne faut pas penser qu'il est inoffensif, que je vais l'utiliser, mais là, je vais arrêter après un certain temps. Ah, il y a quelqu'un qui me fait de quoi? Là, je ne peux pas m'empêcher, je vais en parler à quelqu'un d'autre, je vais médire, mais après ça, le Seigneur va utiliser tout ça pour faire que ça va faire du bien à la fin. Puis comme si le péché est quelque chose qui peut ultimement être positif à la fin. Voyons donc, où est-ce qu'on a la tête? Où est-ce qu'on trouve ça dans l'Écriture? Le péché est grave, sérieux, toxique, a des conséquences terribles, a des conséquences sur moi qu'il pratique, sur l'autre qui est à côté de moi, puis sur la gloire de Dieu aussi. Je reste étonné comment on prend tant de mesures contre le coronavirus. Puis on a raison, là, il y a du danger là. Hey, distanciation sociale, se laver les mains, le port du masque, on se fait vacciner, on arrête l'économie. Hey, on est tous parce qu'il y a un virus qui circule puis qu'on risque d'attraper puis qui risque d'avoir des conséquences. OK, correct. Mais le péché est pas mal plus sérieux que ça. Puis on se donne pas de mesures. Faites mourir le péché. Donc, je veux juste, dans un premier temps, insister sur comment c'est important ce que ce texte-là nous enseigne. Deuxièmement, je veux vous faire remarquer que c'est de faire mourir le péché, c'est le contraire de vivre selon la chair. Relisez avec moi verset 13. Si vous vivez selon la chair, quoi? Vous mourrez. Alors, si tu as une vie selon la chair, où constamment tu as les pensées comme le monde, comme la chair, tu as les valeurs comme la chair, tu as les désirs comme la chair, et ça t'amène à vivre selon la chair, ben tu vas mourir. Il y a un genre de vie comme ça, puis voici la fin. Si moi j'avais continué le verset 13, c'est moi qui aurais écrit, j'aurais dit... Donc, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si vous acceptez Jésus dans votre cœur, vous vivrez. Moi, c'est comme ça qu'on m'a présenté l'Évangile. Ou, on ne me présentait pas nécessairement un changement de vie, mais tu pouvais presque continuer à vivre la vie que tu voulais, Tu rajoutes Jésus par-dessus ça, qui te donne ton ticket pour aller au ciel. Vis la vie que tu veux, accepte Jésus. Tu as beau vivre comme un démon, mais tu vas aller au ciel si tu as, à un moment donné, mandat dans ta Bible, j'ai accepté Jésus telle date, je me suis avancé à telle réunion, même si ta vie n'a pas changé, tu n'as jamais remis les pieds à l'église, tu vis comme le pire des bombes de la ville. Tu as accepté Jésus, tu vas... Mais ce n'est pas ça que le texte dit. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ce genre de salut-là, il est trompeur. Et je me réjouis, de moins en moins on entend ça dans nos églises, mais ça a conduit beaucoup de gens en enfer en leur donnant une fausse assurance, comme si le salut c'était une décision qu'on prend à un moment donné de juste prendre notre ticket pour éviter d'aller en enfer quand on va mourir. Puis après ça, tu continues ton genre de vie comme tu avais avant. Toute l'Écriture va dans le sens contraire de cela. Et probablement que si moi j'avais continué, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais moi j'aurais mis, mais si vous vivez selon l'Esprit, vous vivrez. Si vous marchez selon l'Esprit, vous vivrez. Ah, bien là, ça fait un peu plus de sens. Et là, ça présente, me semble, ça aurait été une approche plus positive de dire, regarde bien, tu as une vie selon la chair, où la chair te suggère plein de désirs, tout ça, amène des actions, amène la mort. L'Esprit de Dieu vient vivre en toi, va te transformer, tu vas avoir des nouveaux désirs, des nouvelles affections, un nouveau genre de vie, puis va te conduire à la vie éternelle, gloire à Dieu, tout est merveilleux. Donc, la vie chrétienne, ce que ça consiste, c'est beaucoup plus à être rempli de foi. C'est positif, là. Sois rempli d'espérance, sois rempli de l'esprit, puis tu ne pêcheras plus ou tu n'auras plus à lutter contre ces choses-là parce que maintenant, tu as une nouvelle vie tellement supérieure où tout est positif. Et je pense qu'il y a une partie de la vérité qui est là. Mais la Bible, la parole inspirée de Dieu, dit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » Mais il ne dit pas « si vous vivez selon l'Esprit, vous vivrez ». C'est vrai aussi, mais il dit « si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, qu'on le veuille ou pas, il y a une part qui s'appelle le combat, la lutte ». Parce que le rôle de l'Esprit, ce n'est pas juste « ah, positivement » qu'il te pousse dans une direction, puis tout est merveilleux. Il t'aide aussi à combattre ce restant-là qui est en toi, puis tu dois en tenir compte. Si tu ne tiens pas compte que c'est ça la réalité de la vie chrétienne, c'est que tu vas être sollicité. C'est un combat terrible. Et par la puissance de l'Esprit, de choisir de livrer ce combat-là. Je comparerais la vie chrétienne un peu à un jardin. Quand on pourrait dire, le jardin, là, tout ce que tu as à faire, prépare le terrain, mets une petite graine, tous les éléments sont là qui vont faire que ça va pousser le soleil, les éléments dans la terre qui vont nourrir ta petite plante, l'eau, etc. C'est merveilleux, mais dire, wow, un instant, je comprends, tu as tous ces éléments positifs, tu n'as pas juste à tenir compte de ça, là. Tu as des facteurs aussi qui vont nuire, puis tu dois combattre. Il y a des mauvaises herbes, il y a des rongeurs, il y a des insectes qui vont... Donc, si tu ne peux pas juste avoir une approche positive puis dire, hey, merveilleux, tous les éléments sont là puis c'est facile, laissons-nous aller. Tu dis, non, il faut combattre aussi, il y a toute l'autre dimension. Et donc, c'est ce que ça nous dit ici. Le véritable enfant de Dieu qui est conduit par l'Esprit de Dieu, oui, il va avoir des nouveaux désirs, il va avoir une nouvelle direction dans sa vie, il va porter des fruits, etc. L'Esprit nous donne une espérance, nous donne la foi qu'on a besoin. Mais l'Esprit dit, il ne suffit pas de juste travailler cette dimension-là, il y a toute une autre dimension. Si tu ne travailles pas, le vieux restant qui est là, tu ne t'en sortiras pas. Il y a un combat acharné à tuer le reste de péché qui est là dans notre vie. Et ça, c'est continuel. Si par l'Esprit, on pourrait le traduire, vous faites continuellement mourir les actions du corps. Tu ne peux pas dire, « Hey, yes, j'ai participé à une bonne conférence, là, puis là, je l'ai, puis maintenant, le péché est mort dans ma vie, une fois pour toutes, il est mort, telle date. » C'est pour le reste de tes jours. De combattre. Je voudrais bien te dire ce matin, c'est fait une fois pour toutes, tu ne pécheras plus, tu ne lutteras plus, il ne deviendra plus des pensées négatives, il ne deviendra pas des désirs de satisfaire ta chair, de t'apitoyer sur toi, de vouloir contrôler les choses, de l'amertume, d'avoir de la misère à pardonner, etc. C'est fini parce que maintenant tu as l'Esprit de Dieu et tout est positif. Je voudrais bien te dire ça, mais ce n'est pas la réalité. C'est quelque chose qui est là, qui est continuel. Troisièmement, je veux rappeler, c'est là dans le texte, c'est vraiment une question de vie ou de mort. Puis on parle de vie, de mort spirituelle, la vie éternelle ou l'enfer éternel. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. L'idée ici, c'est éternellement. C'est l'enfer. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez éternellement, la vie éternelle, le ciel. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Prenons pas à la légère cette exhortation-là. C'est une question de vie ou de mort. Mais là, je le sais, il y en a qui vont me dire, « Hey, wow, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Tu es en train de dire que la vie éternelle se gagne si on combat le péché? » Est-ce qu'on n'est pas sauvé par la grâce seulement, par le moyen de la foi seulement, en Jésus seul? Mais là, toi, tu es en train de nous dire, hey, si vous n'êtes pas dans un combat en train de lutter contre le restant de péché, tu ne seras pas sauvé. Voyons donc. Est-ce que c'est contradictoire? Je vais vous dire ceci. On est sauvé par la grâce seule. OK? Mais c'est quoi cette grâce-là que Dieu nous donne? Quand quelqu'un reçoit vraiment la grâce, est-ce que c'est juste une grâce qui pardonne, selon l'Écriture? C'est une grâce aussi qui transforme. C'est un kit, ça va ensemble. Quand on a reçu la grâce de Dieu, car la grâce de Dieu, titre 2, je pense que c'est 10, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. » Oui, tu es sauvé uniquement par la grâce seule, mais la grâce, elle ne fait pas juste nous pardonner, la provision de la grâce du salut, elle nous rend capable, nous transforme, puis nous enseigne, nous forme pour qu'on puisse être capable de résister à l'impiété. On est sauvé par la grâce seule, mais c'est une grâce puissante, extraordinaire, qui pardonne et sauve et transforme. On n'est pas sauvé par le moyen de la foi seule. Hey, c'est juste par la foi, tu sembles toi ajouter ce matin, on t'écoute, si vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est par la foi qu'on vit, mon juste vivra par la foi. Es-tu en train d'amener un évangile que c'est la foi plus quelque chose d'autre qui sauve? Absolument pas. Je crois de tout mon cœur que seule la foi sauve, mais je l'ai déjà dit puis je le répète, cette foi seule qui sauve n'est jamais seule. La foi qui sauve là, est toujours accompagnée d'un changement. La foi sans les œuvres, ce n'est pas la vraie foi. Il y a beaucoup de gens qui sont venus vers Jésus dans Jean 2 puis qui disaient, qui ont cru en lui. Ils sont venus vers Jésus puis qui ont cru en lui. Puis Jésus dit, il se fiait. Lui, il ne croyait pas en eux parce qu'il savait ce qui était dans le cœur de l'homme. Même le diable croit, il ne sera pas sauvé. Quand tu crois, tu déplaces ta confiance qui autrefois était en toi, tu écoutais ton propre cœur, tes propres instincts, tes propres désirs. Tu te faisais confiance à toi-même. Et ça, c'est brisé quand Dieu te sauve, puis vient te transformer, puis te donne une foi, puis cette foi véritable produit des changements. Et te donne, entre autres, te rend capable de faire mourir les actions du corps. Alors, de faire mourir les actions du corps, ce n'est pas la cause du salut, je dirais, c'est le résultat, c'est la manifestation de cette foi-là. On est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, en Jésus seul. Tu es en train de nous dire que c'est en mettant à mort le péché qu'on est sauvé. Voyons, c'est juste Jésus qui nous sauve. Absolument, c'est juste Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Absolument. Mais quand tu reçois Jésus, réellement, là, je parle d'une vraie conversion, une nouvelle naissance. Quand tu reçois Jésus, Jésus est si précieux. Tu l'as découvert. Ce qu'il est, ce qu'il a fait, ce qu'il enseigne, c'est si précieux que toutes les autres choses prennent complètement la deuxième, troisième, disparaissent, pâlissent à la lumière, à la beauté de Jésus. De telle sorte que le péché, là, tu le vois maintenant comme Jésus le voit. Jésus est venu, Jean nous dit, pour ôter le péché, et il n'y a pas de péché en lui. Alors, quand Jésus est précieux pour toi, tu vas combattre le péché, c'est normal. Il vit en toi, c'est ça que Jésus fait. Voyons! Quand je vois quelqu'un dont la vie n'est pas un combat contre le péché, la vie est marquée par la chair, j'y dirais pas « Hey, commence par l'esprit à faire mourir les actions du corps si tu veux être sauvé. » Non. Je dirais « Hey, as-tu connu la grâce de Dieu? C'est quoi la grâce de Dieu qui peut te transformer? Crois! Arrête de te confier en toi, t'agis, c'est parce que tu te fais confiance. Connais-tu Jésus? Comment Jésus voit le péché? Aimes-tu Jésus? Viens à Jésus, puis ta vie va changer. John Owen a dit, tuer le péché, je te disais tout à l'heure, ou le péché vous tuera. C'est possible de faire mourir le péché ici. Comment? Mais si vous, donc vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps. Par l'esprit. En d'autres mots, il y a juste les chrétiens qui peuvent faire ça, faire mourir le péché. Parce qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Ils ont reçu Jésus. Jésus est mort pour eux. Avez-vous remarqué comment on parle beaucoup de la mort dans la Bible, associée à ce que le chrétien vit? Au début, Jésus est mort pour nos péchés. Pour que nous, là, la question du péché puisse se régler, Jésus est mort pour le péché. Puis elle nous dit, en plus de ça, on est mort avec Jésus. Et parce que Jésus est mort pour le péché, puis qu'on est mort avec lui, on nous est commandé, fais mourir le péché. Puis on vit maintenant pour le Seigneur Jésus. Ça, c'est juste le croyant. En fait, on peut juste, écoutez-moi bien, puis ça ne vient pas de moi, c'est John Piper qui a dit ça. Il a dit, vous ne pourrez faire mourir le péché en vous, uniquement le péché que Jésus, pour lequel il est déjà mort, puis qui vous a déjà fait mourir dans votre vie. Si Jésus est mort pour tes péchés, et que tu es mort avec lui qui a eu un brisement, une repentance dans ta vie, une mort au péché, il s'est passé quelque chose, tu es né de nouveau, tu détestes le péché maintenant, tu aimes la justice. Si ça s'est passé, Ben, au quotidien, tu vas faire mourir le péché. Donc, si par l'Esprit, c'est certain qu'on va revenir plus la semaine prochaine là-dessus, pratiquement comment faire mourir le péché, puis on va parler plus de la dimension avec le Saint-Esprit. Mais je veux juste dire à ce point-ci qu'il y a juste les chrétiens qui peuvent faire mourir le péché, et c'est pour, écoutez-moi bien, tous les chrétiens. Si, comme croyants, vous, les chrétiens, c'est vous qui êtes appelés à faire mourir le péché. Et le dernier point, je veux juste dire, c'est votre responsabilité. Si, par l'Esprit, vous faites mourir les actions du cœur. Il y a une espèce de, d'unité, de concordance entre le travail du croyant et le travail de l'Esprit de Dieu. Et tu es appelé à faire mourir le péché par l'Esprit de Dieu. Mais Dieu ne te laisse pas passif. Tu sais, on entend, c'est un slogan, faites juste chercher sur Internet, vous allez trouver des beaux posters, « Let go and let God ». Ça veut dire « laisse-toi faire, puis laisse faire Dieu ». C'est comme si la vie chrétienne, c'est passif. Et même là, des fois, on a une théologie tellement hyper calviniste, puis tellement dichotomique, que c'est comme si, à l'instant où on parle de faire des efforts, qu'on prêche de lutter, qu'on prêche de combattre, bien là, allez, on tombe dans le légalisme. Dans l'humanisme, on est en train de travailler par nos propres forces, nos propres moyens. C'est comme si, à l'instant où le croyant met ses efforts, travaille, oh, dites pas ces mots-là, c'est plus dans notre théologie, ça. C'est contre l'Esprit de Dieu. Et on a fait là une division qui est dangereuse. La Bible ne voit pas de contradiction. Fais mourir les actions du corps par l'Esprit de Dieu. Il y a un travail de coopération entre les deux. Essayez pas de tout trancher. Vas-y, va de l'avant. Fais mourir. Tu es un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu est en dedans de toi, va travailler avec toi. L'apôtre Paul, est-ce qu'il ne dit pas, hein? J'ai travaillé plus que tous les autres apôtres. Hey, voyons, Paul, t'es-tu rendu légaliste? Comment ça, tu dis que le ministère, c'est toi qui y as travaillé? Hey, même tu dis, j'ai travaillé plus que tous les autres. Mais il ajoute, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu en moi. Il voit pas, il n'a pas de problème, lui. Travaillez à votre salut, travaillez avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. L'Esprit de Dieu ne travaillera jamais contre toi, ni sans toi. Vous me suivez bien? L'Esprit de Dieu ne travaillera jamais contre toi, mais il ne travaillera jamais sans toi. L'Esprit de Dieu travaille chez ceux qui se mettent en action. Puis qu'est-ce qui les motive à se mettre en action? C'est pas le légalisme, c'est quand tu veux faire des choses pour gagner en faveur de Dieu. Alors, rentre pas dans cette catégorie-là. L'humanisme, c'est celui qui fait des choses par ses propres forces, en pensant qu'il y a tout ce qu'il faut pour le réussir. On n'est pas dans cette catégorie-là. Mais nous, on est dans la catégorie qui a été régénérée, qui a un nouveau cœur, puis qui obéit, puis qui sait que Dieu va l'accompagner là-dedans, puis s'il y a un résultat, on va dire gloire à Dieu. Mais on travaille. Faites tous vos efforts pour joindre à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la foi, etc. 1 Pierre chapitre 2, faites tous vos efforts, 2 Pierre chapitre 1. Notre tendance, juste vous donner un exemple, ça ressemble à nous. L'apôtre Pierre, il est dans la barque et il voit quelqu'un qui s'en vient marcher sur l'eau. On ne voit pas ça souvent, on s'entend. Ils ont peur, ils pensent que c'est un esprit. Et puis Jésus dit, non, n'ayez pas peur, c'est moi. Alors Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, fais que j'aille vers toi. Jésus dit, viens. Mais là, moi, si j'avais été dans la barque, j'aurais dit, viens, moi je regarde l'eau. Écoute, ça flotte pas. Fait que j'aurais dit, écoute, Seigneur, regarde, moi, je ne suis pas légaliste, là, je n'embarquerai pas là pour te prouver que je suis capable ou je n'irai pas par mes propres forces en disant, moi, je suis capable de flotter. Non, non, Seigneur, regarde, si tu veux que j'aille, arrange les choses, que c'est toi qui vas le faire. Alors, moi, je vais attendre que ça devienne du ciment ou je vais attendre que... Il faut que tu fasses le premier geste, Seigneur. Là. Fait que minimum, fais-moi pousser des skis nautiques en dessous des pieds, de quoi qui va me permettre d'aller sur l'eau ou... Nous autres, on est là, là. Hein? Il y a des gens qui sont de même, ils disent oh, « je lutte avec tel péché. » Mais Seigneur, veux-tu faire quelque chose dans ma vie? En attendant, on se croise les bras, puis on dit « ben là, mes skis nautiques s'en viennent-tu, Seigneur? Quand est-ce que tu vas changer l'eau en ciment? Que... Ah, là, je peux y aller parce que là, c'est solide, là. » Comprenez-vous? Seigneur dit, sors du bateau, marche sur l'eau, puis tu vas voir ce qui va se produire. Je suis avec toi, mais fonce par la foi. Un jour, vous connaissez Paul Washer, j'aime beaucoup ce frère-là. Il y a un jeune qui est allé vers lui et disait, hey, pasteur Washer, je lutte avec un péché dans ma vie, puis je veux avoir la victoire. Qu'est-ce que vous me conseillez? Savez-vous qu'est-ce qu'il a répondu? Arrête de pécher. Arrête ce péché-là. Bon, je sais qu'il faut être nuancé, là, mais en d'autres mots, prends-tu des mesures? Qu'est-ce que tu fais? T'attends-tu que hey, je lutte avec la pornographie, mais je continue à garder mon ordinateur, j'y vais tous les soirs, puis j'ai mes revues qui sont... Mais je prie, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Seigneur, viens me libérer de ce péché-là. Hey! Oh, Seigneur, je me mets en colère facilement. Veux-tu venir enlever ma colère, mais en attendant, m'en continue à crier sur mes enfants, puis sur ma femme, puis... Oh Seigneur, j'ai de la misère avec ma langue, mais en attendant, je vais continuer à faire de la médisance. Mais veux-tu m'aider à vaincre ça? Puis en attendant, va pas trop vite parce que j'aime ça en même temps, le faire. Là, ça m'aide et ça fait avancer ma cause quand je peux en parler. Je peux parler comme ça autour de moi. Là, hein? Si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. OK, je vais arrêter à ce point-ci. La semaine prochaine, donc, on va regarder des façons pratiques de pouvoir avoir des victoires, vaincre ce péché-là qui reste en nous. Continuellement, c'est un combat. Comment bien le faire par l'Esprit de Dieu? Prions. Bien, Seigneur, merci pour cette parole puissante. Et merci pour le pardon des péchés. Mais dans ton salut, il y a plus que le pardon. Bien que le pardon, on ne cesse de voir toute la richesse, la profondeur et de ce qu'on a par le sang de Jésus. Mais nous savons que tu veux aussi qu'on croise dans la sainteté. Tu dis « Soyez saints comme je suis saint ». Et nous voulons, Seigneur, progresser, puis on veut prendre au sérieux cette exhortation, ce mandat, cette responsabilité de faire mourir le péché en nous. Alors, viens nous aider à le faire de façon sage, équilibrée, cohérente et avec beaucoup de rigueur, d'ardeur, d'une manière qui va te plaire, t'être agréable par la foi. Alors, bénis cette parole, Seigneur, puis dans la prochaine semaine, permets qu'on puisse méditer là-dessus et que ton esprit, justement, nous guide à avancer puis à développer des moyens qui... vont être efficaces. Pour ta gloire, Seigneur, pour ta gloire. Amen.